Comme l'argile, l'insecte fragile, l'esclave docile, je t'appartiens de tout mon être, tu es le seul maître. Je dois me soumettre. Je t'appartiens. Si tu condamnes, je tends mon âme au creux des flammes. Je n'y peux rien. Avec les peines, l'amour et la haine coulant dans mes veines, je t'appartiens. Je faire pour te satisfaire, patron de la terre, sur mon chemin, comme les anges, chanter tes louanges. Et je ne suis pas un ange, tu le sais bien. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un pauvre homme. Je t'aime bien, comme un copain. Souvent je pense que dans ton immense palais de silence, tu dois être bien.